m'offrir un verre. Bah écoutez, je le ferai. Quel est le programme de la bande originale juste après le flash? C'est Yasmina Reza qui est bien. Notre invitée dans 3 secondes. Bonne émission, Nagui. Merci, Ali. Vous écoutez France Inter, il est 11h. Et vous avez la chance d'être informé par Laetitia Gaillet. Il y aura un geste fiscal pour les ménages et les entreprises, une mesure précisément pour les ménages et des mesures pour les entreprises. C'est ce que dit ce matin Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Mais les arbitrages ne seront, dit-il, dévoilés finalement que demain. François Hollande, lui, a pris la direction de la salle Wagram à Paris. C'est là-bas que se tient un colloque sur la démocratie face au terrorisme. Le chef de l'État doit y prononcer un discours d'ici quelques minutes. C'était dans les tuyaux, mais là, ça semble s'accélérer. Un porte-parole de STX annonce ce matin que le Sud-Coréen, donc STX, veut vendre les chantiers navals de Saint-Nazaire avant la fin de l'année. Deux candidats à la reprise sont en discussion avec le ministère de l'Économie. L'État détient en effet un tiers du capital d'STX France. STX, qui est lourdement endetté, le patron sud-coréen affirme avoir un besoin urgent de liquidité. Le plan de restructuration doit être présenté demain à un tribunal de Séoul qui devra décider ensuite du redressement judiciaire ou de la liquidation. STX emploie 2600 salariés sur le site de Saint-Nazaire. Un petit mot sur Alstom et un rectificatif. La production des trains et le bureau d'études de Belfort vont être transférés vers Reichshoffen, oui, mais c'est en Alsace et non en Allemagne, comme dit à 10h. Alstom a assuré hier qu'il n'y aurait aucun départ contraint. Toutes mes excuses pour l'erreur. 328 milliards d'euros, c'est bien plus qu'un pays ne peut supporter à la veille d'un nouveau sommet des pays de l'Europe méditerranéenne. Dans un entretien au Monde aujourd'hui, Alexis Tsipras demande aujourd'hui l'allègement de la dette grecque. Le Premier ministre grec dénonce l'Europe qui marche selon lui comme un somnambule vers la falaise. Si nous continuons à construire une Europe avec toujours plus de sécurité policière, l'échec sera total selon Alexis Tsipras. Le Premier ministre grec qui n'est guère plus tendre avec l'Europe économique. Il est réaliste, les rapports de force pour sortir des politiques néolibérales ne nous sont pas favorables même. Si nous ne donnons pas la priorité à l'emploi, l'Europe, dit-il, est menacée de décomposition. Emmanuel Macron en tonton flingueur dans le Cantal. L'ancien ministre de l'économie visitait ce matin une ferme dans le Cantal. À la question de l'éleveur, alors êtes-vous candidat ou pas à la présidentielle? Je ne suis pas là pour beurrer des tartines, a répondu Emmanuel Macron en prenant donc la réplique de Bernard Blier dans le film de Lautner dont les dialogues sont signés bien sûr Audiard. La relaxe pour l'entreprise de plâtrerie et les deux responsables d'un chantier qui avait provoqué une pollution à l'amiante au Parlement européen de Strasbourg en 2013. Décision ce matin du tribunal correctionnel de Strasbourg. Les 325 parties civiles ont toutes été déboutées. Il n'y a pas eu de violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité. C'est ce que disent les juges. Cela n'est pas démontré selon eux. Enfin, une journée de grève pour les profs de collège et de lycée. 6 syndicats de profs, dont le premier, le SNES FSU, ont lancé l'appel aujourd'hui. Tous continuent de dénoncer la réforme du collège. Une manifestation est d'ailleurs prévue entre autres à Paris, au départ de la place de la Sorbonne. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Demain, à partir de 21h, autour de Léo. En partenariat avec l'Obs, une soirée spéciale autour de Léo Ferré. Didier Varro. Plus de 2 heures de concert en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter le centenaire de la naissance de Léo Ferré. Avec en ouverture l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui célébrera le répertoire symphonique de l'artiste sous la direction de Bruno Fontaine. Puis, une pléiade d'artistes sous la houlette de Romain Humeau viendront réenchanter le Grand Léo avec Bernard Lavillier, Catherine Ringer, Arnaud, Philippe Catherine et bien d'autres belles surprises. Thank you, Satan. Autour de Léo, une soirée exceptionnelle à vivre sur France Inter demain à partir de 21h. Alors, on n'a pas fini sa croissance, Nagui? Si, j'ai fini de boire du lait de vache, c'est tout. Au contraire, je ne veux plus... Mais vous êtes sevré, enfin. Exactement, exactement. Le petit veau qui sommeille en moi n'a plus besoin de son lait de vache. On a fait le tour du problème ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Laetitia, de revenir à midi pour vous informer. Merci Laetitia Gaillet, à tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudali, Alison Wheeler, Daniel Morin, Albert Algou, Richard Lornac, et notre invité Yasmina Reza. Soyez la bienvenue, Yasmina, merci. Est-ce que la journée a bien commencé déjà ? Très bien. C'est vrai ? Levé de bonne humeur, vous avez très dit « Ah humeur, zut, oui. Je vais à la bande originale, c'est aujourd'hui. Ah, » La corvée Non, pas du tout, au contraire, c'est beau. Mais c'est ça, il commençait à faire beau, mais vous venez avec nous. Non, mais je suis déjà venue ici, j'étais très contente. Je sais. Nous avons aujourd'hui... Pour une fois qu'une émission était intéressante. La chance de parler de Babylone, le nouveau roman chez Flammarion de Yasmina Reza. Alors peut-être que vous avez déjà lu, c'est ça qui est assez particulier dans la période de promotion. On peut avoir lu beaucoup de choses sur le roman et sur son intrigue avant même d'avoir lu le roman. C'est un peu le jeu de la promotion. Est-ce que vous nous mettriez là maintenant, nous qui avons lu votre roman, une limite à ce qu'il faut dire et ne pas dire, puisque pour la première fois il y a une notion d'intrigue et de surtout policière. Ah, je vous suis très reconnaissante de me poser cette question parce que j'ai eu une angoisse incroyable. C'est donc la première fois que j'écris un livre, même avec une intrigue, je dirais, qui plus est policière, sans aucune prétention d'avoir écrit un livre policier, mais... Vous êtes en lice pour le Goncourt, quand même, donc je pense que la prétention, si vous voulez bien l'oublier, nous, on sait que... non, mais je veux dire, la liste, quand pas même. De prétention, non, oui. En tout cas, du point de vue d'être un auteur de romans policiers. De série noire, c'est ça. Série noire. Mais quand même, je ne pouvais pas ignorer l'aspect un petit peu événementiel et suspense dans le livre. Et j'ai réalisé que le tout premier papier, je ne sais plus ce que c'était... qu'on allait raconter l'histoire. Ouais. Et là, j'étais terrorisée. Je me suis dit, le livre va s'effondrer, c'est horrible. En fait, le fameux pitch, entre guillemets, va détruire mon livre. Et c'est pas le cas. Bah, non, j'ai l'impression c'est que... C'est pas le cas. Bon, très bien. Donc, on peut moi, maintenant... je pense que si. On peut maintenant, on peut maintenant tout dire, et surtout Jean-Philippe Manœuvre, le cousin, vous savez, du célèbre critique rock, est avec yes. nous. Vous avez bien compris pourquoi nous avons invité l'excellente Yasmina Reza ? Yes, Nagai ! Waouh, on a invité Yasmina, parce que dans la BO, on adore chialer. J'ai adoré ton livre, Yasmina, il m'a fait pleurer encore plus que la première fois où j'ai entendu 96 Tears interprété par les Mysterians en août 1966 au Marquis Club. Autre chose que la version des Stranglers que t'avais reçu à Taratara en 2012. C'est pas le sujet. Bon, mais moi, c'est pas 96 larmes que j'ai versées en lisant Babylone. C'est les chutes de Niagara, Niagara Falls. Je cite des passages de ton livre. Page 121, Android 21. Non. Certains jours, quand je me réveille, mon âge me saute à la gueule. Notre jeunesse est morte. Nous ne serons plus jamais jeunes. Enjoy. Page 100, 100. Dès qu'on met le pied sur terre, il faut renoncer à toute idée de permanence. La loose. Page 123. On ne peut espérer aucune continuité dans l'existence. Bref, Yasmina, ça veut dire qu'on va tous crever. Le flip. Un peu, oui. Alors, c'est pas tout. Dès le début, tu évoques un bouquin, The Americans, du photographe Robert Frank. Et là, je te cite encore. Ce livre est le plus triste de la Terre avec des morts, des pompes à essence et des gens seuls. Plus loin, il y a un mec qui a une dégénérescence maculaire fatale. Il est question à Vitrolles d'une boulangère qui a trucidé ses gosses la veille de Noël. Et même le masque de beauté de la narratrice... Page 103, il s'appelle « Masque nourrissant de la mer morte ». Bonjour le calembour lacanien qui fait sens, puisque page 34, on apprenait « Ma mère est morte il y a 10 jours ». Du coup, j'ai tellement flippé que je suis allé voir mon cousin Philippe, vous savez, le plus vieil ado de France, ouais. pour lui demander, du monde même, pour lui demander son avis. Il m'a dit avec la même voix que moi, parce qu'on est cousins jumeaux. Keep cool, Jean-Phi. Tout ça, c'est un thème vieux comme mon perfecto. Celui de la fuite du temps, pour résumer tout ça avec ses vers de Verlaine. Attention, qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse ? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ? En fait, Jean-Phi, je crois que t'as rien compris à Babylone, parce que c'est un super guide pour organiser la vérité de ce bouquin, une méga-toff, dans un appart hyper petit. Comment trouver des chaises, comment boire du cognac dans des verres à vodka. La fête de printemps. Ouais, il y a aussi la recette du cake au poulet nourri au granulé bio. Et ça t'apprend surtout comment... caser un cadavre fucking dead body dans une valise à roulettes, rolling suitcase. Et je te parle pas de la phrase fétiche de la pauvre Lydie qui déchire sa race quand elle chante les moulins de mon cœur. Ça, c'est le top. Elle dit « La voix et le rythme ont plus d'importance que les mots et le sens. » Et c'est exactement ce qu'avait dit Bon Scott, le chanteur de AC/DC, juste avant son décès. Fait un peu exprès, avant de mourir étouffé dans son vomi sur la banquette arrière d'une R5 le 19 février 1980 sur Overhill Road à Dulwich. Comme quoi, Babylone, Yasmina, c'est vraiment un livre rock'n'roll. Merci. Bravo. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même cité quelques angles, quelques prismes de votre roman. Et il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Parce que c'est vrai qu'on pourrait, le raconter comme une espèce de description de différents caractères qui se passent dans un immeuble avec ceux qui, et c'est important dans le roman, ceux qui ont peur de prendre l'ascenseur et qui prennent l'escalier, ceux qui se croisent, ceux qui se connaissent, les voisins, les fameuses fêtes de voisins qu'il y a dans les immeubles chers à Daniel Morin et qui là étant organisé par votre narratrice Elisabeth pour faire la fête de printemps. Le printemps. C'est aussi son anniversaire qui se passe aux courses. Elle a 60 ans, elle est invitée par un voisin et elle se fait peut-être dragouiller à la soixantaine. Il y a aussi le prisme des animaux. On pourrait aussi dire que ça commence par des chevaux justement aux courses. Il y a le chat. Que ça passe par un poulet. Un poulet qui essaye de se retrouver sur une branche et qui a besoin de voler entre guillemets. Et il y a le chat Eduardo qui est extrêmement important parce que c'est peut-être de lui que la bascule du roman se fait. Un truc de dingue. Donc il y a tous ces prismes. Oui, il y a l'histoire d'un crime. Oui, il y a même une histoire de complicité. Mais finalement, ce que vous voulez montrer dans ce roman, c'est la solitude de ces personnages dans une vie qui pourrait paraître quotidienne et quelque part un peu la nôtre. Alors, je ne vois pas quoi ajouter, c'est ça le problème de ma vie. C'est que je suis la personne la moins adaptée pour commenter moi-même mon propre livre, surtout maintenant où je l'ai écrit quand même il y a peu de temps. Donc, je n'ai aucun recul. Je lis avec émerveillement ce qu'on en dit parce que j'avoue que je suis très gâtée, y compris avec Monsieur Manœuvre là. Parce que non, mais c'est vrai, mais je trouve même. Non, sincerely. Vous avez sorti les grands thèmes du livre. Enfin, je dis toujours la même chose. Oui, la solitude, la mort, l'impermanence. Mais tout ça, j'espère, avec un esprit parfois joyeux et même très drôle. C'est drôle, enfin, c'est drôle, grinçant, c'est macabre. Enfin, ce qui est beau, justement, dans ce roman, c'est que c'est un... Je dirais pas nécessairement que c'est un roman policier, parce que c'est un mélange de genres. Et il y a beaucoup de genres qui s'apparentent au théâtre. Parce qu'il y a une forme de vaudeville dans cette histoire, dans ces situations. Et j'ai fait beaucoup de parallèles, plus la lecture avançait, avec le théâtre, qui est vos premières formes d'écriture. D'ailleurs, votre première pièce, c'était Conversation après un enterrement. Là, ça serait plutôt avant. Il y a l'avant et l'après. Voilà, mais et pendant. Tout un tas d'éléments que j'ai recensés. C'est un huis clos dans un immeuble, comme Nagui l'a précisé. Vous posez les décors dès les premières pages. Cet ascenseur, on sent très très bien qu'il va jouer un rôle central. Vous présentez vos personnages, vous brossez vraiment de très très beaux portraits. J'aime beaucoup Jean Lino en particulier. Il y a beaucoup de styles directs. On pourrait très très bien penser à l'adaptation directement de ce texte sur scène, des répliques courtes, percutantes, et puis on rejoue même à la fin le drame, un peu comme chez Beckett dans L'attendant Godot. Donc on sent qu'il y a un mélange permanent de votre passé théâtral et votre présent aussi, parce qu'il n'est pas exclu, et un mélange de genre. Ça, c'est un vrai... C'est tout à fait juste. Enfin, ma formation est évidemment théâtrale. Elle me donne pas seulement la possibilité de faire des dialogues, disons, assez vivants et qui se suffisent, autosuffisants, qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'être renseignés par la psychologie extérieure. Les didascalies. Sans didascalie. Mais surtout, le fait de venir du théâtre m'a donné un grand esprit de construction, qui est inapparent, mais qui est... C'est un huis clos. Tout ce que j'ai pu écrire en littérature était quasiment toujours des huis clos. Je ne sais pas, huis clos extérieur aussi, ça peut être dehors, mais en tout cas avec des unités de temps très, très, très puissantes, comme au théâtre. Mais moi, il me semble que ce livre serait complètement inadaptable au théâtre. S'il devait être adapté quelque part, ce serait beaucoup plus le cinéma. Le théâtre... Il y a trop d'aller-retour dans le temps, oui, il y a trop de voyages. Oui, et tout cet aspect, il y a trop de personnages, l'aspect atmosphérique de l'immeuble. Je vois pas trop comment il pourrait être rendu, l'aspect du temps qui passe. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas du tout un objet. Vous êtes senti plus libre justement à écrire ce roman que lorsque vous écrivez une pièce de théâtre? Ah oui, quand on écrit pour la littérature, on est bien plus libre. C'est sans comparaison. C'est une série de contraintes, le théâtre. Là, c'est, vous avez choisi une narratrice, ce qui vous est déjà arrivé, mais pas très souvent. Ce sont plutôt les hommes que vous faites parler. Et est-ce que c'est une manière d'être un tout petit peu plus, de se révéler un peu plus, d'être impudique peut-être, parce que vous êtes un peu Elisabeth ou pas, en étant plus jeune? Certainement, mais... Oui, je suis certainement beaucoup Elisabeth, mais aussi Jean Leno. En fait, je me mets partout. Oui, c'est le propre d'un auteur. Ouais, mais c'est le propre d'un auteur, tout à fait. Il y a une citation que je voulais vous livrer, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet auteur-là. On ne devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu'on n'oserait confier à personne. Oui, dans mon cas, je la prends tout à fait pour moi, cette citation. C'est sûr, hein, que vous citez. Ah, okay, j'adore. Voilà, que vous citez également dans votre livre sur la neige, disant neige, que c'est-à-dire l'enfance, c'est-à-dire le bonheur. Oui. Parce que la neige aussi est présente. Suran, pardon, c'est... C'est espérer, c'est démentir l'avenir, Suran. C'est pour vous donner un peu le mental du mec. Ouais, qui est toujours très, très positif. Et très drôle aussi. D'une certaine façon, oui. Avec un passé qui est un peu trash. Hein. On lui a prêté des idées pro-nazis, en tout cas dans son enfance. Il a fait partie d'un mouvement... Ça vous gêne pas? Moi, je m'en fiche complètement. La garde de fer en Roumanie. Il avait 18 ans. Oui, mais il a été à une période où il était réellement antisémite. Il ne faut pas... Faut pas le nier, hein. Il y a des écrits de... Non, je dis ça parce que le roman s'appelle... Pas rigoler quand même. Attention. Il a écrit. Alors je vais quand même défendre Suran. Je peux pas laisser dire ça. Non, on l'attaque Mais par exemple, il a écrit, à mon sens, un des plus beaux textes sur le peuple juif, qui s'appelle Un peuple de solitaires. Dans, je sais plus dans quel recueil. Je crois que c'était... Bon, je vais dire une bêtise, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, Un peuple de solitaires, c'est sûr. C'est 50 pages sur le destin juif qui sont superbes. Donc même s'il a été un peu antisémite, ce qui n'est pas méchant, enfin je veux dire... Comment? Non, mais il ne faut pas exagérer avec ça. Il ne faut pas juger quelqu'un à l'aune de deux de ans. De son jeune âge, Par contre, on peut dire, il a changé, il a évolué, et tant mieux, il n'est pas resté à des idées obscures qu'il pouvait avoir. Qui va dire ça? On ne va pas dire ça, on ne va pas juger quelqu'un. Moi, je n'aime pas les jugements... En tout cas, si vous parlez d'exil, vous parliez tout à l'heure de ce texte de Suran, ces 50 pages sur le peuple juif, il y a ce parallèle-là, puisque tout d'un coup, moi quand je vois le roman que je leur ferme, je me dis, il s'appelle Babylone, donc forcément ça questionne, et on arrive à cette lecture du père de Jean Leno, qui disait cette phrase des psaumes que Jean Leno confesse ne jamais vraiment avoir saisie. Et Babylone, il y a une forme de mise en abîme avec vos personnages. On se dit, les qui apatrides. Sont-ils, ces exilés, ces gens? Oui, mais c'est vrai que dans beaucoup des choses que j'ai écrites, livres ou pièces, il y a toujours des juifs, mais ce sont souvent des juifs errants, ce qui a été mon cas d'ailleurs, c'est-à-dire errants, pas seulement d'un point de vue géographique, mais errants d'un point de vue de la racine juive même. Moi, je n'ai pas été élevée religieusement, mes parents étaient totalement incroyants, enfin... incrédule mon père et totalement incroyante ma mère, donc il n'y avait pas de religion chez nous. Et le phénomène juif était malgré tout très présent par les blagues, par la façon de parler, par l'esprit. L'état d'esprit qui était très très fort. Et donc mes personnages ont un peu hérité de ça, et Jean Leno en particulier. Et quand même, dans ma famille, on faisait quelques fêtes juives, comme dans toutes les bonnes familles mécréantes. Mais c'était plus pour faire la fête que pour se... Mais il y avait quand même des phrases. Il y avait des bouts de psaumes, des bouts de... Enfin, c'était très désordonné, mais il en restait des éléments très fondateurs, finalement. Et Elisabeth aussi est un personnage de l'exil, parce qu'on voit la relation à sa mère, par exemple. Le décès de sa mère qui ne la perturbe pas. C'est cette notion de « je n'appartiens à rien ». Oui. En fait, au-delà de la religion, finalement, je n'appartiens à aucune forme de communauté. Donc, j'erre constamment. Merci, parce que si je devais isoler un des thèmes du livre, j'isolerais celui-là. Et ça me semble assez moderne comme point de vue. J'avais peur tout à l'heure que Jean-Philippe Manœuvre, dans ses citations, ne prenne ce qui se passait derrière les fourrés. Également entre copines, mais ça, vous n'avez qu'à lire le roman. Non, il ne faut pas tout révéler. On a dit qu'on en gardait un tout petit peu. Le croustillant, C'est pas ce que j'ai retenu. Le coquin, le pervers, ça, c'est dans le roman. Flammarion, c'est l'éditeur. Yasmina Reza signe Babylone, donc son nouveau roman. Et c'est un plaisir de la recevoir dans la bande originale. Et vos oreilles ont sifflé quand je vous ai annoncé la venue de Yasmina. Forcément, immédiatement, Yasmina Reza. J'ai pensé à Fanny Ardant. Je sais, ça relève de l'obsession. Chez moi, c'est tous les jours, je pense. Qui sera là avant, qui sera là lundi. Prépare-toi. Hein. Et j'établis en fait un parallèle entre vous deux, non seulement parce que vous avez cette élégance en partage, et j'y suis très sensible, mais aussi parce que toutes les deux, vous aimez brouiller les pistes, rester évasive, notamment lorsque vous êtes interviewée. Je ne sais pas, il y a des moments dans la vie où on pense des choses et puis d'autres moments où on... Mais c'est drôle parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. C'était en 2004 à Paris Match. Ah, parce que c'était Paris Match. Ah, merci. Elle ment en permanence. Fanny Ardant en fait. Ment à l'occasion de toutes ces interviews. Alors, vous, je ne dirais pas que vous mentez, vous travestissez parfois, vous agrémentez, vous réduisez. Et c'est une pratique que vous avez eue très tôt dans votre carrière d'écrivain. Vous continuez ? Oui. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison de se dévoiler publiquement. Mm-hmm. Aucune. C'est juste pour ça ou c'est pour créer aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas une envie de créer quelque chose de flou, donc d'étrange, donc de plus fascinant ? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la construction de l'individu ? Puisque vous êtes un auteur, vous créez des êtres de papier. C'est une protection peut-être aussi. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Je dirais plus une protection. Parce que, oui, c'était pour répondre aussi à la question qui était posée juste avant sur le fait d'écrire un personnage féminin, c'est moins protecteur. Les personnages masculins dans lesquels j'étais très très à l'aise auparavant, personne s'amusait à dire ça pourrait être elle. Or, oui. Là, par exemple, dans ce livre-là, j'ai lu, on m'a dit plusieurs fois, en fait, ça pourrait être elle, elle doit lui ressembler, ce qui... Je me suis arrangée pour faire un personnage assez sympathique. Le pas en avant, voilà, c'est ça. Ce sera de faire un personnage qui pourrait me ressembler et qui serait atroce. Mais bon, je ne suis pas encore là. Il faut y aller step by step, doucement. Oui. Quand je pense à vous également, Yasmina Reza, j'entends ceci. Mercury fallen, I rise from my bed. C'est bon ça. Collect my thoughts together. I have to hold my head. C'est Nathan Zanagar, The Sound of Winter, une musique qui ouvre et qui conclut l'une de vos pièces de théâtre, Comment vous raconter la partie. Et je voulais vous la donner à entendre à nouveau parce que vous avez un rapport très particulier à la musique. Vous établissez personnellement une hiérarchie dans les arts et la musique a une place de choix. Ça m'a ému que vous mettiez ça. Oui, c'est très supérieur, la musique. Très supérieur. Moi, je me sens dans la case des arts moyens. La littérature, je ne dirais théâtre, pas ça de la poésie, par exemple. Vous imaginez, nous ? Nous, c'est même pas de l'art. On imagine même pas. Nous, c'est même pas de l'art. Tu sais, nous, c'est même pas de l'art, en fait. Comme ça, ça... Non, mais c'est besogneux, la littérature, ça manque de grâce. Mais le théâtre, pareil, c'est des arts besogneux, un peu... Mais c'est un état d'esprit, parce que vous seriez musicienne, vous diriez que la musique, c'est un art mineur et que c'est la littérature, c'est quelque chose de bien plus grand. Là, je crois pas. Comme non. Gainsbourg, non, sincèrement, comme Gainsbourg que... l'avait dit, ouais. La musique est un art mineur. Parce que vous voyez Guibert. Vous voyez dans la musique quelque chose qui échappe à écoutez, ce matin, sur votre antenne, j'ai écouté, j'ai été bouleversée. Comme ça, 3 minutes, parce que j'ai mis la radio, et c'était la fin de l'émission de Trapenard avec Bernard Lavilliers. Et il a joué en direct et chanté la chanson de Ferré d'après le poème d'Aragon, mm-hmm. Et ainsi que les hommes vivent. C'était juste parfait, c'était fantastique. Il avait une voix cassée du matin, le texte est sublime. Non, c'est sa voix. Non, mais j'adore sa voix. Et pour lui, c'était pas le matin. Juste une guitare. c'était... Oui, mais non, j'ai rien dit. Yasmina, s'il vous plaît. Oui, mais est-ce ainsi que. Non, relevez pas. Non, mais c'était supérieur. Oui, mais sans les paroles, sans le texte d'Aragon, la musique, même avec la belle voix de Bernard Lavilliers, la musique est très belle, je crois, qui avait été composée par Léo Ferré, ça n'aurait pas été la même chose. Donc non. La poésie était un art supérieur aussi, oui, c'est proche de la musique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit, oui, musique, poésie, c'est au-dessus. Et vous écoutez de tout, en fait. De tout. De tout, y compris de la merde. Ah oui, dire, bah bougez pas, ça va venir, on a quoi? Eh ben voilà, c'est l'enchaînement. Mais non. Mais quoi, j'y peux rien, j'ai de la musique. J'ai pas dit que c'était. Voilà, non, c'est ça de la merde. Mais pas du tout. C'est le contraire, c'est de la bombe, bébé. C'est Cassius. Ah, oui. C'est Cassius avec The Missing et notre invité Yasmine Reza. Cassius s'appelle The Missing et tout l'album est de cette veine-là, vous ne serez pas déçus. C'est très très bon. Yasmine Reza est notre invitée, la critique rock à l'instant était d'Alison Wheeler. Vous la retrouverez la semaine prochaine pour aller à nouveau combat. T'imagines, tu viens depuis, tu fais 2 mois et tu t'en vas. Je présentais les clips. C'était sur M6 à l'époque, tu devrais faire ça, sur MCM maintenant. Yasmina, donc Reza, signe Babylone chez Flammarion avant de retrouver des années marquantes et peut-être une bande originale de la vie de Yasmina Reza. Voici l'humeur de Alison Wheeler, messieurs dames. Bonjour Yasmina, je suis contente de vous voir parce que je vous admire énormément, j'adore vos pièces. Mais là n'est pas le sujet. Non, je vois venir Nagui, je ne vais pas chanter cette semaine. Dommage, c'était bien. Je sais, mais j'ai décidé. C'était top la semaine dernière. Ouais. Merci, c'était mais j'ai décidé de mettre ma carrière entre parenthèses. Juste 4 jours. Faites vos adieux. Ah d'accord, voilà. Non, j'ai encore retroussé mes manches et j'ai suivi l'actu de cette semaine de près. Une actualité apparemment placée sous le signe de l'éducation sexuelle, apparemment. Ah et bon figurez-vous, oui Nagui, on que... On n'a pas vu la même actu. Bah, je vais vous expliquer. Vendredi dernier, je mangeais des lasagnes quand j'ai appris qu'une classe de 3e avait fabriqué un clitoris en 3D. Oui, faut dire que les lasagnes et le vagin ont ceci en commun, qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oh non, si, oh non. Enfin, à moins d'avoir un cuisinier professionnel à domicile, mais perso, l'idée de Joël Robuchon en train de monter sa béchamel, moi ça me... Oh non, je vous dis, parce que... Disons... Quoi? On est à la radio. Ah, mais moi aussi, ça me... c'est difficile pour tout le monde, parce que disons que pour toute une génération d'hommes, le clitoris, c'est un peu comme le sens moral de Patrick Balkany. Paraîtrait qu'il existe, mais personne n'a jamais trouvé. Et maintenant, ça va changer pour les jeunes. Albert, vous pourrez bientôt même demander des conseils sexo à votre petit-fils. J'ai des fils. Non. Nagui, si vous n'aimez pas les enfants, n'en dégoûtez pas les autres. Mon petit-fils. Oui. Encore de l'éducation sexuelle, puisque cette semaine, le vice-président du MoDem a été arrêté pour s'être masturbé dans un magasin de bricolage. Qu'est-ce que ça nous apprend, les enfants? Bon, bah que le MoDem existe encore, déjà. Et puis que le sexe est comme les pâtes, ça paraît simple, mais ça, c'est code. S'intéresser à comment sont faites les lasagnes de madame, oui. Se tripoter la nouille en public, non. Non, Nagui. Et puis cette semaine, le site porno Brazzers a été piraté, ce qui veut dire que les préférences sexuelles de 800 000 personnes peuvent être rendues publiques. Je vois que ça blémit autour de la table. Non, non, il y a des. Alors, je vais te dire la vérité, il y a des regards de plein de gens qui ne connaissaient pas ce site. Bah, en fait, tu fais de la promotion maintenant. Ça me fait plaisir, comme ça sera populaire. Alors, les infos peuvent être rendues publiques. Ainsi, nous allons tous pouvoir découvrir que Richard Lornac a récemment fait une recherche pornographique avec les mots-clés femme et demi-queue. Autre info. C'était pour piano. Jérôme Cahuzac à la barre. N'ayez pas l'esprit mal tourné, je parle du procès. Il a reconnu ses comptes en Suisse. Bravo à lui, c'est un bon début, on peut l'applaudir. Non, franchement, c'est bien. Mais on va être honnête, deux secondes, on est d'accord que ce type, il y a bien que son anus qu'il a pas blanchi. Non. Je suis pas d'accord. Et surtout, je suis pas contente. Non, je suis excédée. Cette fois-ci, ce serait la faute de Rocker. C'est pas un bon message pour les jeunes. Non, faut leur inculquer la notion de consentement, Jérôme. C'est pas parce que t'es acculé que tu dois acculer les autres. Mais heureusement, pour finir, Mère Teresa a été canonisée par le pape. Ça prouve bien que pour le sexe, faut pas se presser. Voilà, on peut rester pucelle toute sa vie et avoir la classe. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes. Ils sont trop pressés, je vous jure, Leïla. On se rend pas compte, mais les lycéens d'aujourd'hui, c'est comme le casier de Nicolas Sarkozy, ça fait longtemps qu'ils sont plus vierges. Bon, écoutez, 11h30, je crois que j'ai assez parlé de sexe. Je suis désolée. Non, mais une chronique, si c'est trop mou, ça marche pas non plus. Nagui, vous savez ce que c'est. France Inter. Nagui, la bande originale. J'ai peur avec les lycéens, je me sentis visée, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle horreur. Quoi, 11h30, là-bas. Tu sais quoi, j'avais prévu de manger des lasagnes à midi, mais je pense que je vais changer de plat. Yasmina Reza signe Babylone, ce roman chez Flammarion. Il y a presque une bande originale aussi de ce roman. On parlait des Moulins de mon cœur, on peut aussi écouter... Avant que ma jeunesse s'use, j'aimerais tant voir Syracuse. Cette chanson est présente, c'est Lydie qui la chante, me semble-t-il, dans le roman, mais c'est aussi la nostalgie, c'est en filigrane ce qu'il y a aussi tout le long du roman, que ce soit dans la musique. La musique vous rend nostalgique aussi? Aussi, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas forcément le sentiment premier pour moi, pour la musique. Non, je dirais... C'est lequel? Par exemple, la photo me rend beaucoup plus nostalgique que celle de Robert Franck. Alors, il y a beaucoup de références. Parlons de la photo, non, mais c'est même le point de départ. C'est une photo noir et blanc d'un... The Americans, de Robert. Ceux qui font les porte-à-porte, là. Des Mormons. Merci. Des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Avec leur petit livre. Avec le petit livre, et la photo est prise en contre-plongée, parce que je suis allé voir la photo que je ne connaissais pas en mai... J'étais en train de lire le roman et je me suis dit j'ai besoin de la voir, cette photo, tellement elle revenait souvent. Autant le roman, vous êtes parti sur la piste noire, autant les photos sont plutôt en noir et blanc. Vous y teniez, et Robert Franck est très présent, et ce livre revient régulièrement. C'est lui qui a été le détonateur de ce roman, de votre roman? Totalement. C'est-à-dire, c'est un exercice que j'ai toujours fait dans ma vie, parce que j'aime énormément la photo, surtout ce qu'on appelle la photo de rue, qui est la photo qui a explosé en genre dans les années 50-60, qui est la plupart en noir et blanc. Mm-hmm. Et ce sont des photos de gens normaux. Qui ne sont pas travaillés, dont on ne sait absolument rien. Et j'ai toujours fait un exercice d'écriture, mais depuis très très longtemps, même avant même peut-être d'écrire des pièces. À l'adolescence, j'ai commencé. Je prenais une photo qui me faisait rêver et je la commentais sur une page ou deux à l'écriture. C'est pas que je décrivais, je commentais et j'inventais un peu à droite. À partir de ce cadre-là. À partir du cadre. Et en lisant The Americans, je suis tombée sur cette photo qui est peut-être la moins spectaculaire du livre. Un homme contre un mur avec un cartable et des revues. Elle est inapparente, cette photo, si on n'a pas Si on prend pas le temps déjà, de s'y être arrêté, je l'ai décrite sans penser du tout écrire un livre. Et puis je l'ai laissée quelque part, et cette description, je l'ai retrouvée, et je l'ai trouvée bonne. Et je me suis dit, mais voilà, je vais faire à partir de là un livre. Et avant même la référence dans le livre, en exergue de Babylone, c'est une citation d'un photographe américain. De Gary Winogrand, là encore, photographe américain à peu près. Et qui correspond exactement à au fond, ce que j'essaye de faire dans l'écriture. Je vais le citer, c'est le monde n'est pas bien rangé. Le monde n'est pas bien rangé, c'est un foutoir, je n'essaye pas de le mettre en ordre. Et dans la bouche d'un photographe, c'est très beau. La bande originale de Yasmina Reza, alors quand on vous a demandé quelle musique vous écoutiez à des moments en particulier de votre vie, vous avez dit, mais moi je ne sais pas la date à laquelle j'écoute telle ou telle musique, et d'ailleurs vous avez encore rappelé tout à l'heure que vous écoutez toutes sortes de musiques, donc on imagine que vous avez entendu à la radio en 82. It's just an illusion. Est-ce que Yasmina Reza va sur les dance floors, à ton avis, Leïla? Moi je dis oui, je pense que oui. Elle a le groove? Elle danse, elle bouge. Je suis sûre. Je pense qu'elle est inarrêtable. En quoi? Pour la danse. En danse. Vous aimez danser? Moi, j'adore danser. Ouais, très bien. En 82, c'était Que les gros salaires lèvent le doigt, oui, c'est ça, de Denis Granier de Fer avec Jean Poiré, Daniel Auteuil, Michel Piccoli. Quel souvenir en avez-vous gardé? À ce souvenir. En fait, c'était Dominique Besnéard. À l'époque, je cherchais du travail comme actrice, je cherchais à gagner un peu de sous. Et il m'a dit, écoute, il n'y a aucun rôle là-dedans. Mais il y a une servante qui est là. C'est pas du tout un rôle. Ça n'a aucun intérêt, mais tu vas gagner autant que les autres. Tout le monde était payé pareil. Fais-le. D'accord. Donc je suis arrivée, le personnage n'avait pas de... C'était une silhouette, donc il n'avait pas de prénom. Moi je m'appelais Yasmina et Poiret m'a appelée Yasmina. Donc le personnage est devenu Yasmina. J'étais hideuse, on m'avait fait une coiffure atroce, j'avais un truc noir qui me montait là, d'une laideur. Enfin bon, heureusement on me voit très peu dans le film et malheureusement tout le monde m'a vue. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde m'a reconnue. Et je pense et aussi... même en 2016 on vous en parle encore à la radio. On parle encore. Mais c'est dingue. Et je pense que c'est parce que le personnage s'appelait Yasmina. Donc on se dit, mais Yasmina, mais c'est Yasmina Reza. Je m'étais apprêtée pour après être un écrivain un peu sexy. Et là, ce rôle effrayant me poursuit. Alors, l'écriture, justement, et le cinéma vous a amené au scénario. Un scénario, en l'occurrence, en 2000, Le pique-nique de Lulu Creutz, réalisé par Didier Martini. Est-ce que, quand on écrit une histoire qui devient un film, on se retrouve, on se reconnaît dans son écriture, où on a un sentiment par moment d'être dépossédé de ce que l'on a fait? J'ai pas énormément d'expérience dans cette matière. Alors pour le pique-nique, pas du tout. Pour le pique-nique, j'ai vraiment... Vous avez vu ce que vous avez écrit? Ah oui, j'ai adoré le film et j'ai retrouvé en tout cas complètement l'âme de l'écriture. Ça n'a pas toujours été le cas avec d'autres choses, mais c'est pour ça que je ne suis pas fanatique d'écrire des scénarios. Et quand vous réalisez le vôtre, c'est-à-dire, est-ce que... Chicas, est-ce que c'était en 2010, est-ce qu'à ce moment-là, vous réécrivez au fur et à mesure que vous tournez? Est-ce que vous permettez de sortir finalement du cadre dans lequel que vous étiez fixé à l'écriture? On le fait de toute façon au montage. Donc, dans le scénario, pas tellement. Non, parce que j'écris de façon assez précise néanmoins. Et vous avez été confronté à la liberté de la plume sur le papier où on peut tout écrire. Vous pouvez très bien vous amuser à dire « et 800 000 hélicoptères sont arrivés ». Mais le problème, mais je le fais jamais. Au moment... Non, mais c'est intéressant parce que justement, comme je suis née de la contrainte du théâtre, je suis encore incapable de mettre 800 000 hélicoptères dans un roman. Vous y penserez bon prochain. Justement, j'ai plein de progrès à faire de ce point de vue. La science-fiction. Voilà, par exemple. Oui, alors là, dans une autre vie. En 1994, peut-être que Yasmina a écouté. Philadelphia. Streets of Philadelphia. C'est la bande originale du film avec Tom Hanks. Qui parle de sida. Ouais. Il y avait Denzel Washington ouais, qui jouait l'avocat. Incroyable. Sublime film. Ouais. Sublime film. En 84... Très bonne comédie. Non, tu pleures tout le long tellement il est émouvant ce film. Vous avez écrit en 94 Art, évidemment, j'ai envie de rajouter derrière. triomphe, reconnaissance internationale. Est-ce que un tel succès, évidemment il doit y avoir sa part de bonheur, mais est-ce qu'il y a comme une sorte de retour de manivelle et une espèce d'inquiétude de décevoir pour par la suite? Pas tellement de décevoir, mais il y a une très forte inquiétude de malentendu. Parce que Art a été en effet un énorme succès international et on m'a considérée comme une faiseuse de succès, ce qui est un poids considérable et qui ne me correspond en rien intimement. Et aussi, on aime bien ça au théâtre, on aime bien présenter les nouvelles pièces en disant c'est auteur à succès, c'est Eric Assous, c'est voilà. Florian Zeller, c'est voilà. Donc, voilà, après voilà. Machin, il revient avec, ils ont écrit le voilà. prénom, ils font une nouvelle pièce, donc ce mot auteur à succès m'a poursuivi pendant des années, et moi à chaque fois il me révulse parce que auteur à succès c'est complètement, ça n'enlève rien à la qualité des auteurs, mais c'est absurde comme appellation, c'est du marketing. Je sais pas, moi je le vis très mal ce terme. Sauf que vous jouez dans une autre catégorie, parce que là on cite plein d'auteurs très très respectables du théâtre dit privé, et vous n'êtes pas catalogué dans le théâtre privé. Il m'a fallu un certain temps pour arriver à m'extirper de cette... Pendant un temps, Art a brouillé les pistes pour moi. C'était trop fort. On a l'impression que je pouvais écrire que des comédies. Je sais pas. C'était un succès merveilleux. Ça m'a ouvert des tas de portes. Ça m'a donné la liberté financière. Je veux pas du tout dire que ça a été négatif. Mais ça m'a mis dans une image dans laquelle je me retrouvais pas du tout. Mais ça vous donne un statut de privilégié parce que vous êtes une des rares invitées à avoir un gobelet propre. On a été le chercher hier soir. Décrivez-moi le gobelet des autres. Oh non, on ne peut pas. Les autres, c'est de la récup. Multi-usage. On ne peut pas. Puisque dans le roman de Yasmina Reza, Babylone, il y a un crime, et il y a un crime qui, dans lequel on pourrait aussi se reconnaître, soit côté victime, soit côté assassin. On ne sait pas trop quel côté vous placez. Comment la vie peut basculer. On a invité Stéphane Bourgoin. Merci d'être à notre micro, Stéphane. Vous êtes serial killer, bonjour. Il n'est pas loin. En tout cas, vous êtes un spécialiste mondial des tueurs en série, puisque vous avez interrogé plus de 70 serial killers depuis 79. Vous avez été conférencier à l'école de la gendarmerie nationale pendant 10 ans. Et vous êtes écrivain et auteur spécialiste de ces tueurs en série. Vous publierez, c'est bientôt aux éditions Point, à chaque jour suffit son crime. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois le livre, puisque l'éditeur ne me l'a même pas envoyé encore. Et je ne vais pas vous le donner. La question, Stéphane, est de savoir, est-ce qu'il y a un profil identifié avec toutes les recherches que vous avez faites, et qu'est-ce qui détermine le moment où un être humain que l'on pourrait qualifier de normal bascule, raisonnable, ouais. Et voilà, bascule et devient criminel, certains le regrettant toute leur vie, d'autres le faisant en série et trouvant peut-être un plaisir à le faire. Oui, effectivement, moi j'ai rencontré les pires d'entre eux. C'est qui le plus sympa? Toi, Émile Louis, il est bien? Il est bien. Peut-être le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Ouais. Ou celui qui a inspiré le personnage d'Hannibal Lecter. Ah oui. Ed Kemper, j'ai 400 heures d'entretien avec lui, 2m15, 160 kilos. Vous n'avez pas eu peur qu'il vous bouffe après? Il a menacé de me décapiter lors des premières heures d'entretien, mais après... C'est une façon de dire bonjour. C'était, oui, une manière de s'amuser. Ouais. Hein. D'accord. Ouais, c'est de la vanne. Bah oui. Ouais, très bien, mais enlève mon bras de ta bouche quand même. Par contre, 160 kilos, tu ris. Hein. Il y a quelques années, en 2011, à prison de Sing Sing, qu'on voit dans tous les films Warner des années 30 et tout, il y a un tueur en série que j'ai un peu énervé, il a sauté par-dessus la table et il a tenté de me tuer, effectivement. Donc, mais là, on rit moins, là, d'un coup. Oui, on rit un peu moins. Vous faites bien votre boulot. Mais je dirais là... Pour revenir au roman de Yasmina Reza, où une personne... attachante, que l'on apprend à connaître et à aimer au début du roman, bascule, et on ne sait pas trop d'ailleurs le motif. Encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas trop en dire, mais il y a des éléments qui vont du poulet bio au chat qu'il a, en passant par le regard de son... petit-fils, même si c'est pas. Non, Nagui, non, de son pas trop, petit-fils, si, de Rémi. J'essaie de créer une tension. Le regard de Rémi. Bref, cet homme que l'on pourrait qualifier de voisin normal, d'un coup devient un assassin. Justement, ce que j'ai bien aimé, c'est dans le roman, cela dit, je comprends le mobile. Moi, j'ai un chat qui est presque la vedette de ma page Facebook. Quand je publie une photo de lui, il a 10 fois plus de likes que mes propres infos. Mais cela dit, c'est une accumulation, je dirais, d'humiliation, de frustration, que l'on sent bien dans le personnage de Jean Lino. Et puis, il y a le passage à l'acte qui peut intervenir pour le commun des mortels. Hein. Mais dans votre travail de recherche, justement, le passage à l'acte, c'est quoi? C'est un moment de folie? Il y a un dédoublement? C'est quoi? Alors moi Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Quand j'interroge les tueurs en série, tous m'ont dit qu'ils vivaient totalement dans l'instant présent et qu'ils n'avaient jamais pensé devenir un tueur en série. C'est le premier passage à l'acte qui, chez eux, déclenche ce sentiment de toute puissance, de devenir enfin quelqu'un, de devenir l'égal de Dieu, désir de toute puissance, de contrôle et à son tour d'humilier la victime, de la chosifier. Donc c'est de se venger de la vie, en fait. Mais chez le commun des mortels, c'est plutôt une accumulation, comme on le voit bien dans le personnage de Jean Lino. Et il y a probablement aussi cette facilitation du passage à l'acte. Il y a le contexte, en fait. L'alcoolisme, le fait qu'ils boivent beaucoup lors de cette fête et des rancœurs accumulées qui remontent à la surface. Et quand vous dites que c'est une façon d'aller égaler Dieu, finalement, Babylone, ça veut dire les portes des dieux. Et donc, quelque part, c'est cette porte d'entrée aussi ou de sortie définitive, quoi. Oui, c'est vrai que les portes de Dieu, j'avais pas fait le lien avec le meurtre, mais comme la mort était pour moi la brièveté du passage de vie à la mort et un des thèmes du livre, j'y ai forcément pensé. Mais je suis ravie que je vais lire votre livre, je trouve ça très passionnant, mais je pense que, enfin, dites-moi, que ça n'a rien à voir, un crime isolé, avec les gens que vous avez rencontrés. Non, bien sûr, mais j'ai rencontré aussi des meurtriers uniques, de toute façon. Si je peux me permettre, votre personnage se pose la question de passer à un acte une deuxième fois. Je me souviens plus. Il croise quelqu'un sur le parking. C'est vrai. Vous devriez lire. Yasmine Areza, il est vachement bien. Il est en lice pour bonjour. C'est le problème quand t'écris pas toi-même. C'est mon conseil culture. Et c'est d'autant plus vrai. Non, mais c'est d'autant plus vrai qu'en écrivant ça, justement, je me suis dit, puisque c'est ma nuit, une personne, deux personnes. Oui, mais il se pose la question pour certainement effacer certaines traces. C'est pas un serial killer. C'est comme le personnage de Romain Duris dans Un petit boulot. Oui. Voilà, c'est un acte isolé et puis finalement, il y a des chances que ça se reproduise. Mais voilà, c'est toujours de la difficulté d'essayer de vous raconter, de vous donner envie de lire le livre de Yasmine Areza, Babylone, et de pas trop en dire non plus pour pas que vous arriviez à la page 200. Tiens, bah, c'est le truc qu'il nous a raconté à la radio, l'autre idiot. Donc je voulais juste tendre une perche en disant, il se pose la question. Posons aussi la question de la complicité, parce que ces assassins que vous avez rencontrés, ces criminels, est-ce qu'ils ont aussi, quand on parlait du contexte de l'état dans lequel eux ils se mettent avant de passer à l'acte, est-ce que le fait aussi d'être entouré de personnes avec une certaine, je sais pas si c'est complicité ou connivence, les aide aussi? L'entourage, le rôle de l'entourage. Alors, le rôle de l'entourage peut être relativement important, et je dirais que très souvent, les assassins qui soient ordinaire, extraordinaire ou qui soit serial killer vont attirer beaucoup des femmes. C'est fou ça. Ah oui, oui. Comme Landru peut attirer des femmes alors que... Ah oui, oui, elles sont les premières victimes. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, a failli déjà épouser à deux reprises l'une de ses fans. Hein. Patrice Allègre a demandé, le tueur à Toulouse, à être transféré à la prison d'Einsiedheim en Alsace pour être près de sa fiancée. Là, Émile Louis recevait du courrier du cœur abondant. Donc des criminels reconnus comme étant criminels, se retrouvant en prison... font naître des passions auprès de femmes qui risquent d'être victimes. Oui, ou même des tueurs en série homosexuels ont épousé des fans. Et en quelque sorte, si je veux faire un peu d'humour... Il serait temps, parce que là, on est tendu. C'est l'époux idéal. On sait que votre mari ne va pas vous tromper. On sait qu'on le retrouvera au parloir à heure et date fixe. C'est une méthode contre l'infidélité. C'est-à-dire, maquez-vous avec un homme en prison. Ok, très bien, je note. C'est des profils particuliers. Et oui, c'est rassurez-nous. L'une d'entre elles, par exemple, je donne un exemple, une américaine, Veronica Compton, était tellement amoureuse d'un tueur qu'elle a eu pour idée totalement tordue de tuer une victime comme l'avait fait son futur époux, afin de prouver son innocence et de montrer que le vrai tueur était toujours en liberté. Ça, c'est du vrai amour. Ça, c'est de l'amour. C'est beau, hein. Et qu'est-ce qui fait que, puisque on a l'impression que n'importe qui, et c'est aussi le sujet du roman de Yasmina Reza, n'importe qui peut, sur un acte de folie, sur une soirée totalement différente des autres, passer à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'acte? C'est l'éducation, c'est quelle barrière? C'est la peur, c'est d'être. Oh, je pense que quand même, le commun des mortels a une certaine forme de conscience. Hein, donc, on croit que tout un chacun peut passer à l'acte. Moi, c'est vrai que quelquefois, j'ai eu envie de tuer certains de mes éditeurs par le passé. Mais là, je pense que pour ne pas vous avoir envoyé le bouquin, il mérite à sa place. Il mérite. Bon, j'en ai encore trois autres qui sortent d'ici le 2 janvier, mais... Non, mais c'est pas une raison. Hein. Non. Il parle pas de livres, il parle d'éditeurs qui vont sortir, ils sont en prison à cause de ce qu'il a fait. Je dirais que ce qui est très bien aussi dans ce roman... c'est que ça replace le crime dans son vrai contexte, d'un crime entre guillemets ordinaire. Et vous savez que l'endroit le plus dangereux au monde, c'est à la maison. C'est pas la sortie de discothèque à 4 heures du matin, sauf à Marseille. C'est pas. Il blague. Je préviens mes copains marseillais, c'est une blague. C'est le domicile familial où sont commis plus de 80% des homicides à travers le monde. Y compris les agressions sur les enfants aussi. On a peur qu'un enfant aille seul à l'école. Or, c'est souvent dans le cadre le plus proche et le familial ou voisinage que les agressions sexuelles ou que les mains sont levées sur les enfants. Et je rappelle, les enfants, si vous nous écoutez, qu'il faut parler, ne pas laisser le silence être là pour aider ces salopards. Et si Nagui s'approche de vous, courez. J'avais une dernière question avant de vous libérer, Stéphane Bourgoin. Est-ce que tu m'as viré ma question de ma tête. C'est malin. C'est pas possible. On dit souvent qu'un ami, on peut l'appeler à 4 heures du matin. Allô. Voilà. Et que la réponse d'ailleurs qu'il doit faire quand on dit, je crois que c'était Henri Verneuil qui disait ça, c'est un vrai copain, vous l'appelez à 4 heures du matin et quand vous lui dites viens, il doit vous répondre je viens avec un fusil. Mais aussi, est-ce qu'il doit vous aider à cacher un cadavre si vous avez commis de toute manière. Mais tout dépend des circonstances. Mais c'est un signe d'amitié. Non, je vois votre signe d'amitié. Est-ce qu'on peut lui emprunter une valise à roulette. Point de suspension. Okay, n'en dites pas trop. Au 19e siècle, c'était la malle. La malle sanglante. La malle sanglante, mais qui est quasiment toujours ceux qui déposaient les corps dans les consignes de gare se sont fait prendre. Il y a très peu de crimes non élucidés à partir de malles sanglantes. Ceux qui ne se sont pas fait prendre, en tout cas, on n'est pas au courant. Donc c'est pour ça. Yasmina ? Je trouve que, à moins que ça ait déjà été fait, que vous devriez aussi vous pencher sur ces femmes qui tombent amoureuses de criminels. Il y a eu un livre déjà écrit il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà... Oui, que j'ai conseillé d'ailleurs pour rencontrer un certain Isabelle Orlans, voilà, qui l'a écrit. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un projet de documentaire que j'ai eu il y a quelques années, mais qui semblait pas trop intéresser les chaînes. Oui. Bah, il faut tant commencer. C'est fascinant, vous savez, l'avantage des chaînes de télé, c'est que vous pouvez y retourner à tout moment, c'est jamais les mêmes. Oui, mais maintenant, je vais basculer dans la fiction. Donc, ah, bah voilà, très bien. Il y a un livre de la première femme de Nagui qui raconte son expérience, qui est tout à fait passionnant. C'est ça. C'est dommage parce que je l'ai reçu ce matin avant vous, donc votre livre, Stéphane Bourgoin, À chaque jour suffit son crime, et je l'offre déjà à Yasmina Reza. Ah, mais merveilleux. Donc j'espère qu'ils vont avoir la gentillesse de nous en envoyer d'autres. Merci Stéphane. Bourgoin. Merci à vous. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Daniel Morin, oui. Pensez-vous qu'il soit normal, vous, d'aider un ami à cacher un cadavre ? Oh non, mais quelle justesse dans le choix de vos questions, monsieur Guy. C'est pas moi qui les écris. Ah non, mais encore une fois, votre sagacité n'a d'égal que votre vista. Ouh. Alors, le seul petit souci, c'est que malheureusement, ce n'est pas la bonne question dans l'affaire qui nous occupe. Arrêtons la morale pour laisser place, s'il vous plaît, à la pratique. Non, la bonne question est... quelles sont les meilleures solutions pour faire disparaître un cadavre ? Voilà, ça c'est intéressant. Alors bien sûr, il y a la méthode Landru dont vous parliez tout à l'heure. Mais attention, ça a l'air facile comme ça, mais ça demande d'avoir un matériel solide et performant. Privilégiez toujours une cuisinière à gaz avec de bonnes grosses flammes et un revêtement intérieur qui garde la chaleur. C'est honteux. Comme par exemple la fonte. Thermostat 10 pendant 8 heures pour une totale disparition du cadavre. Thermostat 5 pendant 3 heures si vous comptez récupérer la viande pour faire un parmentier. Oh, ou des lasagnes. Oui, ou des lasagnes chères au cœur d'Alison. Autre méthode, enterrer tout simplement le cadavre. Rien de plus simple. Vous placez directement et sans vêtements le cadavre dans un trou au fond du jardin. Une fois le corps en terre, profitez-en pour planter quelques graines par-dessus. Le corps en décomposition favorisera la pousse et vous pourrez profiter d'un massif de fleurs exceptionnel au bout de 3 mois. Oui, 3 mois, Yasmina, vous pouvez noter. C'est au bout de 3 mois qu'on en profite. Après, vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser d'un cadavre. Vous pouvez très bien, si vous êtes seul ou bien féru de décoration, ou bien tout simplement, si le cadavre est celui d'une personne qui vous est chère, faire empailler le corps et le garder. Oh, et le garder, oui, Nagui, dans votre salon. Vous l'installez assis. Vous l'installez dans le salon, assis dans une position décontractée, mais pas nonchalante pour autant, et hop, fini les soirées déprimantes, seul devant la télé, silencieux, un cadavre empaillé sera un parfait compagnon de soirée qui ne vous contredira jamais. Quant à votre question de départ, monsieur Guy, à savoir, pourrions-nous aider un ami à cacher un cadavre ? Eh bien, tout à fait honnêtement, je n'en sais rien. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Yasmina Reza, vous, y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de passé. On va dans la structure de vos personnages aussi comprendre pourquoi ils sont seuls aujourd'hui. Il y a la solitude de l'âge, il y a la solitude des maisons de retraite, il y a la mort qui est présente, que ce soit la mort de la maman d'Elisabeth ou le crime commis dans ce roman. Il y a beaucoup de vie aussi, de fêtes, de rire. Beaucoup de phrases très drôles, des phrases très très drôles, vraiment très cyniques sur la femme qui fait la gueule. Voilà, à passer 20 ans et quand elle a 60 ans, c'est plus possible. Il y a tout un... Bon, là, c'est pas drôle, mais quand vous lirez le roman, ça sera drôle. Ce qui est très amusant aussi, c'est... Non, mais vous avez toute une manière, comme ça, de pointer des éléments de façon, avec beaucoup d'agilité, et qui résonnent et qui font sourire, parce qu'on passe quand même... Il y a beaucoup de rire. Je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais », justement, on va se... pencher sur les souvenirs, vous les concluez comme vous l'entendez, c'est Richard Larnac qui nous accompagne. Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait... Je dois compléter. S'il vous plaît. Je n'avais pas de maison d'enfance. Je n'oublierai jamais la phrase que disait mon papa ou ma maman. C'est horrible, je vais être nulle à cet exercice. Ça avait déjà été le cas la première fois, je vous rassure. Voilà, j'ai tout oublié. Il n'y a pas une phrase qui résonne encore, non, un conseil que votre père ou votre mère a pu vous donner ? Pas du tout, il ne me donnait pas trop de conseils. Je n'oublierai jamais ma devise. Alors là, aujourd'hui, en avez-vous j'ai une ? Aucune devise. Ah ben inventez, Yasmina, enfin. Ah non, mais je suis nulle, je ne serais pas engagée pour être... Auteur. Ouais. Ça va être très long, cette séquence. Avez-vous une manie ? Je n'oublierai jamais la manie que j'ai. Oui, j'ai sûrement des manies, mais elles ne me viennent pas à l'esprit. La manie, je ne peux pas répondre à la question. C'est ça, ouais. Une manie au quotidien, très très rigoureuse dans le rangement ou très prévoyante. Alors je pense que si mes enfants étaient là, ils trouveraient 10 manies tout de suite. C'est plus facile pour les autres. Oui, voilà. Je n'oublierai jamais mon auteur préféré. Ah, mais j'en ai plusieurs. Bah, faut faire un choix. Allez. Alors, le premier qui vous vient à l'esprit. Allez, Borges. Je n'oublierai jamais mon acteur préféré. Non, ça c'est impossible, j'en ai trop. Le premier qui vient à l'esprit. Mais même s'il n'est plus de ce monde, hein, peu importe. Allez, Gabin. Je n'oublierai jamais un chanteur préféré. Chanteur, j'en ai tellement. Très difficile. Vous voyez qui dans votre tête, là, tout de suite? Tout à coup, foutez-lui la paix. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est tellement difficile de répondre. Non, je peux pas. Je n'oublierai jamais le défaut que je déteste chez les autres. Quand ils insistent. La méchanceté. Ouais. Gratuite. C'est Yasmine Areza qui vient de souffrir à l'instant. Et la douleur se poursuit jusqu'à 12h30. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. J'ai dit que depuis 30 ans, on me poursuit. Et que depuis 30 ans, je dis que je suis innocent. Je ne sais pas ce qu'est devenu Agnès Leroux. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Agnès Leroux, du nom de cette femme, héritière du palais de la Méditerranée, disparue le 27 octobre 1977. Une affaire qui garde tout son mystère, aujourd'hui encore. Affaires sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter, tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ça passe pas. Smart4Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart4Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. France Inter. On aime. On vous en parle. Agir, la troisième édition du Monde Festival. Culture, science, environnement, nouvelles technologies, politique. Écoutez et réagissez au débat. Participez aux ateliers et profitez de spectacles inédits. Rendez-vous à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier et au Théâtre des Bouffes du Nord du 16 au 19 septembre. Retrouvez le Monde Festival dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Le Monde Festival, un événement présenté par Le Monde en partenariat avec France Inter. Il est midi et vous êtes bien sur Inter. Il s'agit de Laetitia Gaillet maintenant pour les informations. Nous vaincrons, la démocratie sera plus forte que la barbarie. Les premiers mots de François Hollande tout à l'heure, Salva Graham à Paris, où se tient donc un colloque sur la démocratie face au terrorisme. Le chef de l'État a commencé son discours il y a quelques minutes, un discours qu'on annonçait personnel, mûri depuis l'attentat de Nice. On en écoute un extrait. Nous connaissons les lois de l'histoire. Les démocraties gagnent toujours les guerres. Elles peuvent être parfois surprises quand un ennemi soudain se déclare et passe à l'offensive, mais leur victoire est inéluctable, car elles disposent d'une force qui rassemble les énergies et qui devient irrésistible. Cette force qui peut permettre de vaincre tous les obstacles, même les pires, cette force, c'est la liberté. C'est ainsi que les démocraties ont vaincu les fascismes. C'est ainsi que les démocraties ont vaincu le nazisme. C'est ainsi que les démocraties ont vaincu les totalitarismes. C'est ainsi que les dictateurs, qui se croyaient inamovibles, se sont retrouvés désarçonnés, renversés. Eh bien, il en sera de même. C'est ainsi que les terroristes seront traqués, réduits et au bout du compte annihilés. François Hollande, extrait de son discours à Paris qui se poursuit en ce moment. Dans les autres déclarations, notera la Constitution, dit-il, n'est pas un texte flexible. On reviendra bien sûr tout à l'heure dans le journal de 13h sur ce discours. Au menu également du journal de Bruno Duvic, l'affaire de la voiture découverte dans Paris avec des bonbonnes de gaz à l'intérieur. 4 personnes sont toujours en garde à vue aujourd'hui. La grève des profs du secondaire qui dénonce dans les collèges la réforme et dans les lycées aussi les classes surchargées. Selon les chiffres du ministère de l'éducation à la mi-journée, la mobilisation est faible, moins de 5%. Le Gabon enfin, l'opposition Ali Bongo a jusqu'à cet après-midi pour déposer un recours contre les résultats contestés de l'élection présidentielle. Pour en parler, Bruno Duvic sera en ligne avec Jean Ping, le principal adversaire du président sortant Ali Bongo. Brutale, étonnante, personne n'y comprend rien, Ségolène Royal ce matin sur France Inter. Inacceptable, ça c'est Arnaud Montebourg également ce matin. L'annonce de l'arrêt de la production des trains sur le site Alstom de Belfort hier ne convainc personne à gauche. Alstom promet certes qu'il n'y aura pas de départ contraint, 400 personnes sont tout de même concernées, mais même dans la région Franche-Comté, ces déclarations ne trouvent pas preneur. Écoutez Marie-Guide Dufay, la présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est une catastrophe. Je suis consternée Je suis concernée parce que je constate que les engagements ne sont pas tenus. Quand il y a eu la négociation Alstom Énergie et le transfert de la branche énergie d'Alstom à General Electric, c'était en contrepartie le confortement du site de production d'Alstom à Belfort. C'est le cœur de chauffe des compétences concernant la construction du TGV. Alors le jour où on nous annonce le TGV du futur et en même temps la fermeture du site historique de construction des TGV à Belfort, c'est pour moi un non-sens. Donc je comprends, je partage l'abattement de tous les salariés. Il faut se battre pour que le TGV du futur soit construit en partie dans le site historique de Belfort. Des propos recueillis par nos confrères de France Bleu à Besançon. Les créations d'emplois en France, selon l'INSEE ce matin, elles ont été en hausse au deuxième trimestre de cette année, plus 0,2% avec 29 500 postes dans le secteur marchand. Sur un an, les créations nettes de postes en France ont reconnu une hausse de 0,8%. Les prix alimentaires ont encore augmenté cet été dans le monde. Au mois d'août, ils ont atteint même leur niveau le plus élevé depuis mai 2015, selon la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, plus 1,9% par rapport à juillet et plus 7% sur un an. Les produits qui ont le plus augmenté sont les produits laitiers, les huiles alimentaires et le sucre. De 5 à 40 000 euros pour 17 victimes de celui que l'on a surnommé le dentiste de l'horreur de la Nièvre. On l'apprend aujourd'hui. La CIVI, la commission des victimes d'infractions, a accordé hier des indemnisations pour ceux donc qui ont été mutilés par le faux dentiste. La CIVI doit encore se prononcer sur 10 autres cas le mois prochain à Bourges. Marc Van Nierop, lui, a été condamné en avril dernier à 8 ans de prison. La justice lui a reconnu 85 victimes par violence, dont 45 mutilées. Vous écoutez France Inter, il est 12h05. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Tous les soirs, une plongée dans l'univers d'un musicien ou d'un courant du rock. She fell, but I never heard her hit. Cette semaine, on explore le parcours d'un groupe américain qui a changé la face du rock en France, les Violent Femmes. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. Moi, c'est Juliette. Et ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Souvent, malgré moi, je suis une grande gaffeuse. Enfin, j'essaie de ne pas me prendre au sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ça fait plus de 20 ans que 100 000 femmes participent, comme moi, à une étude INSERM MGEN et aident la recherche, notamment sur le cancer du sien. du sein, pardon. Bah voilà, quand je vous disais que j'étais gaffeuse. Juliette a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Nagui, la bande originale, c'est reparti, faut y aller, faut bosser. Mais il faut pas le dire. Non, dis pas, on fait discret. Non, on fait entre nous, comme d'habitude. Merci Laetitia Gaillet qui revient, non pas à 13h parce qu'elle va manger, mais à 14h quand elle aura digéré, pour vous informer. Non, Laetitia ne mange pas, elle toute déjeune, elle savoure. Elle est fine. Elle déguste. Voilà. Ça aussi. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? À tout à l'heure. Bonne journée. La journée contre le sexisme aujourd'hui. C'est la bande originale avec Leïla Gazoboudali. Bonjour à tous. Alison Wheeler. Daniel Morin. Albert Good. Bonjour. Et Charles Orlac est notre invité. Yasmina Reza. Bravo. Babylone, le nouveau roman que vous signez chez Flammarion. Ce roman, on a l'impression qu'il a été fait non pas par quelqu'un d'autre. Mûrement réfléchi. Non, parce que vous avez raconté cette anecdote de la photo, du texte que vous aviez écrit à partir de la photo de Robert Frank, texte que vous aviez mis de côté, puis que vous avez relu, et d'un coup vous avez dit je l'aime, et ça a été le point de départ d'un roman. Est-ce que ce roman est devenu d'une manière extrêmement rapide, j'allais dire instantané, ce qui aurait été un mauvais jeu de mots avec la photo, mais ou est-ce que ça a été pour vous laborieux de jouer notamment avec la structure, de voir comment vous allez enchevêtrer les allers-retours avec le passé et avec le présent ? Ça n'est jamais facile, évidemment, mais laborieux, non, parce qu'il y a une excitation qui enlève l'impression de labeur. Tout à coup, on a un sentiment. Moi, je pense tous les écrivains pareil, on commence des choses et puis... ça ne va nulle part. Je suppose même que pour des chroniques plus courtes, c'est pareil. Ça va nulle part et là, c'est pénible. Ça va souvent nulle part, oui. Moi, j'ai écrit combien de choses qui allaient nulle part. Et on le sait plus ou moins, mais on persiste à vouloir. Et puis, à l'inverse... Quand ça devient mauvais quand on persiste. Et ça devient très mauvais. Fedot, il disait, quand il y avait des gags, ils n'étaient jamais prévus. Voilà. Quand on les met aux chausse-pieds, ça ne marche jamais. Voilà. Il faut que ça vienne dans le rythme, dans le mouvement. Et je pense que c'est pareil pour une œuvre un peu plus longue. Et en revanche, quand on a l'impression de tenir un fil, à quoi ça tient, c'est impossible de le savoir, c'est très excitant et ce n'est pas laborieux, mais c'est beaucoup de travail quand même. Justement, comment travaillez-vous? Est-ce que vous faites un plan? Non, pas du tout. Non, je vais au petit bonheur la chance. Et vous écrivez... J'avance tranquillement. À la plume, à l'ordinateur? Les deux. Vous corrigez beaucoup, vous revenez beaucoup en arrière? Je corrige énormément. Il y a des gens qui font un premier jet et qui reviennent après sur le livre entier. Moi, si j'écris une autre page, il faut que ce qui est avant me paraisse à ce moment-là déjà parfait. Même après, si je corrige de nouveau. Mais il faut que ce qu'il y a en dessous, il faut que les fondations soient très solides. Donc je vais page après page. Et votre style d'avoir des phrases extrêmement rapides, courtes, qui donnent du dynamisme à l'écriture, puis quelques envolées, et de passer au dialogue, même le dialogue commence déjà dans l'écriture, dans le style indirect de la narratrice, et puis après ça devient vraiment dialogué comme si on était justement au théâtre. Vous aimez ce mélange-là de jouer avec justement tous les tempos, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure. En fait, la phrase que vous avez citée tout à l'heure sur le je sais pas, je saurais pas la reciter, parce que je connais pas par cœur mon livre, bien sûr, mais sur le rythme est plus important que la pensée. Ouais. En fait, j'écris musicalement. Je cherche pas à écrire de telle ou telle manière. Rythmiquement, ça me vient ou pas comme ça. Et toutes mes corrections sont rythmiques, d'ailleurs. Et vous lisez à haute voix? Vous écrivez en lisant, non? Non. Non. Je prononce certains dialogues comme ça, presque mi-voix, pour voir si rythmiquement ils sont cohérents. Vous testez sur qui? Sur vos proches? Vous testez vos phrases sur vos proches? Non. Non, non. Sur l'éditeur? Ah, non, non. Qui est le premier à pouvoir lire votre roman? Maintenant, mes enfants. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Wow. Et au fur et à mesure, ils sont épouvantables, ils sont très difficiles, ils sont pas du tout complaisants, et c'est très bien. Et ensuite, j'ai une lectrice depuis des années, la même, qui est une amie à moi, qui n'est pas du tout dans l'édition. Et qui est votre référence. Et qui est ma référence absolue. Super, et super. Voilà, Yasmina Reza, ça s'appelle Babylone. Je rappelle encore une fois, ça se passe, c'est un huis clos, y compris à l'extérieur, dans un immeuble, où Elisabeth, la narratrice, vit avec Pierre. Elle travaille chez Pasteur. Elle promet même de faire visiter les moustiques et l'insectarium à Jean Lino, qui lui vit avec Lydie, a refait sa vie en tout cas avec Lydie. Il est même prêt à refaire encore peut-être une autre vie avec Elisabeth. Il est un peu dragueur charmeur sur les sur les bords, ouais, dans les coins. Merci. Finis tous mes phrases. N'oubliez pas les paroles. Tu complètes tes phrases. Vas-y, on joue. Allez. Et après une fête de printemps qui s'est organisée, qui était bien arrosé, où tout le monde a plus ou moins apprécié la manière dont ça se déroulait. La soirée devient plutôt chaude et brûlante. Est-ce à cause d'Eduardo le chat? Est-ce à cause d'un passé de quelqu'un qui n'en peut plus? Peu importe. Mais en tout cas, un crime a lieu et Elisabeth se pose la question de savoir est-ce qu'elle doit être ou pas complice, est-ce qu'elle doit ou pas aider Jean Lino avec lequel elle s'est liée d'amitié. Mais dans ce roman, il y a aussi beaucoup d'actualité et il y a la vie politique, il y a des opinions que la gauche se prend des vannes aussi dans la tête, le bio... et la défense des animaux aussi. Vous aimez jouer avec ça aussi, c'est très temporel, il est tellement actuel, tellement vivant ce roman. Ça m'amuse beaucoup, et notamment par exemple, on me dit, j'ai entendu, des amis qui ont lu le livre, on dit, tu te moques du poulet bio, oh, tu as bien raison, mais pas du tout, moi je mange ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a amusé de prendre le discours inverse du mien. Moi je peux aller dans un restaurant, d'ailleurs c'est ce que je fais, je demande d'où vient le poulet. Et je ne mangerai jamais un poulet dont je n'ai pas l'absolue certitude qu'il a gambadé, comme le personnage. Dans le vous, là aussi vous demandez des photos. Elle est ridicule. Quoi? Vous demandez des photos du poulet pour voir si... Le problème, c'est comment réussir à manger le poulet une fois que tu as vu la photo du poulet. C'est ça le problème. Non, je ne parlais pas des photos, mais on n'a jamais de certitude. Mais en tout cas, je m'intéresse à ce genre de choses. À la condition animalière. Oui, ouais, non, mais la défense des c'est animaux. Important. Au point de devenir végétarienne, peut-être un jour. Vous non. posez la question. Non. Ou de réduire votre consommation de viande. Non, j'ai réduit drastiquement. Oui. Voici l'humeur de Daniel Morin. Aujourd'hui, les amis, je suis triste. Ah. Oui, je suis triste pour un homme. Je suis triste pour François Hollande. Selon un récent sondage, 88% des Français souhaitent qu'il ne se représente pas à la présidence. 88. C'est un score de dingue, du jamais vu. Si demain, au deuxième tour de l'élection, on avait François Hollande face à un caniche nain, ce serait le clébard qui serait élu. Hein. C'est dur. Je ne suis pas spécialement fan de François Hollande, mais là, il faut faire quelque chose. Il faut en finir. Moralement, jamais il tiendra jusqu'à l'année prochaine. Il va faire une connerie. Il va sauter par une fenêtre, ou pire, il va boire sa lotion capillaire colorante. Il faut agir, faut agir. On peut pas le piquer, bien sûr, ça ne se fait pas, mais anticipons l'élection. Mettons fin au martyr de ce pauvre homme. On n'a qu'à l'envoyer dans un pays d'Afrique qui souffre de sécheresse, vu que la seule prouesse de son mandat, c'est de provoquer la pluie. Là-bas, au moins en Afrique, il sera utile. Il viendra peut-être chef de village. C'est bien ça comme retraite, chef de village en Afrique. Deux fois par semaine, tu fais un discours, il se met à pleuvoir, la population te considère comme un dieu. En plus, quand tu es chef de village, tu t'en fous de prendre ou de perdre du poids avec un boubou, ça se voit pas. T'es pas boudiné. Après, je suis pas sûr que Julie Gayet fasse le voyage, hein, mais sur place, quand t'es chef de village, tu peux avoir qui tu veux. Tu es un cador. Non, sérieusement, monsieur le président, si vous m'écoutez, pensez-y à l'Afrique. Et si jamais, il ne vous accepte pas sur place, au moins vous saurez ce que ça fait que de se faire refuser le droit d'asile. Allez, parlons de choses plus guillerettes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation. Et pour en parler, je suis avec mon ami et confesseur, le père Albert. Bonjour mon père. Bonjour Daniel. Mon père, je sais que parmi vos actions, vos bonnes œuvres, vous vous occupez souvent des illettrés. Oui, absolument. C'est une mission sacrée qu'est de venir en aide aux démunis. Aujourd'hui, ne pas savoir lire est un handicap. Et aujourd'hui, journée mondiale de l'alphabétisation, j'en profite pour organiser des ateliers d'initiation à la lecture. Et ça se passe comment, vos ateliers ? Ah ben c'est fort simple, je crée du lien, pour reprendre une expression qui plaît à Yasmina. Non, je plaisante parce qu'elle la critique. J'accueille tous ceux qui veulent être initiés dans mon club de lecture. Très bien, et qui se trouve où ? Dans ma camionnette. Ma camionnette bâchée cuir clouté noir, immatriculée Tata 69, que j'ai garée. Ne riez pas, moi, j'ai la plaque. Elle est garée où ? Près de l'ambassade de Russie, 25 allées des branleurs, c'est tout près du Pont de Montmartre. Oh. Alors, qui sont les gens qui viennent vous voir ? Oh, mais la population est très diverse. Mmh. Beaucoup de catégories sont touchées par l'illettrisme. Alors, il y a les sportifs, bien sûr. Bien sûr. Oui, avec en tête les footballeurs. Évidemment. Et qui d'autre ? Des politiques. Pas mal d'hommes et de femmes politiques. Ah, alors, quels sont les partis les plus touchés ? Oh, mais il y a pas mal de gens du parti Les Républicains. Ce matin, j'ai vu Nadine Morano. Ah, est-ce que Nadine est bonne élève ? Ah, excellente, persévérante. Alors, pour l'encourager, je lui ai offert un livre afin qu'elle s'entraîne. Ah, quel livre ? Alors, un livre un petit peu au-dessus de son niveau, même beaucoup. C'est comme ça qu'on progresse néanmoins. Hein. Je lui ai donné « Oui, oui, va à la plage ». Ah, c'est vrai que c'est pas le plus simple. Qui d'autre ? Oh, beaucoup de gens des médias, surtout des animateurs télévisuels. Allez ! Des animateurs de télévision, des connus ? Je ne donnerai aucun nom, mais je ne suis pas du genre à balancer. Ce serait très gênant pour eux et déshonorant pour moi. Je comprends et c'est tout à votre honneur, mon père. Julien Courbet, Cyril Hanouna. Ah, flûte, excusez-moi, c'est parti tout seul. Ouais, ça arrive. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait personne de France Télévisions. Ah, ce matin, j'ai quand même croisé Nagui. Il venait pour apprendre à lire ? C'est ce que je croyais. Comment ça ? Quand je l'ai vu à côté de la camionnette, je lui ai dit « Ah, je le savais, c'est bien Nagui, rentre, on va essayer de lire ensemble une aventure de Petit Ours Brun. » Et alors ? Alors il m'a répondu, non mais, oh tu m'as pris pour qui ? Pour un illettré ? Tu me confonds avec Tex ou quoi ? Non. Ah, excuse-moi Nagui. Mais alors, qu'est-ce que tu fais à côté de ma camionnette tout près du bois de Boulogne ? Alors ? Alors il est devenu tout rouge et il est parti en courant. Merci mon père, à demain. Merci à vous. Merci. La originale, Nagui. Pour Yasmina Reza qui signe Babylone chez Flammarion, voici le brouillon de culture de Leïla. Eh Yasmina Reza, je sors de la promo, un petit bol d'air. Oui, je commence à danser maintenant. C'est la bruyante culture. Et la fatigue. Histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son à caractère éducatif. Bienvenue dans ce cours de français. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans l'étude du théâtre. Je vais te faire une lecture d'un extrait du Dieu du carnage, une pièce écrite en 2008 par Yasmina Reza. C'est le début d'un cours de français donné sur Internet, où voilà, votre pièce est prise en sujet d'étude. Est-ce que c'est important aussi pour vous, en auteur vivant, de se dire que vos textes sont étudiés ? Allô ? Oui, non, mais j'essayais de répondre intelligemment, en tout cas sincèrement. Non, ce qui est très agréable, c'est le fait d'être lu par des générations différentes et des jeunes. C'est quand même c'est une chance, ça. Des jeunes qui n'auraient pas nécessairement accès aux pièces. D'abord, mes pièces sont très rarement jouées ici, donc ils ne les connaîtraient pas. Et oui, non, ça me fait plaisir, évidemment. Alors, vous avez aussi ce style-là qui peut-être déroute, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de reconnaissance que vous n'avez pas encore obtenue. C'est ma sensation, c'est que vous mélangez beaucoup de choses. Les niveaux de langue, les styles, les genres, et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche avec les plus jeunes. Je peux pas. Ouais. Non, très honnêtement, c'est difficile. Je peux pas décrypter pourquoi les gens aiment ou pas ce que je propose. C'est impossible. Mm-hmm. Un son international à présent. Ja ti misliš da je normalno izvesti me u restoran koji je preporučila tvoja. Nije ga ona preporučila, ona samo rekla da je dobar i ugodan. C'est un extrait de votre dernier texte, Bella Figura, un texte pour lequel on vous avait reçu l'an passé, et c'est en croate. On l'avait reconnu. Oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je précise. En même temps, c'est vrai qu'ici, on est tous. Oui, non, pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai eu peur tu vois, que le croate soit passé un peu la trappe. Votre reconnaissance internationale est grande. Paradoxalement, elle n'est pas si énorme que ça en France. Mais j'ai surtout vu que quasiment tous vos textes, même les plus récents, étaient déjà tous adaptés dans beaucoup, beaucoup de langues. Est-ce que vous vérifiez, vous demandez à savoir qui s'empare de vos textes, pour les adapter comment ? Ça doit être un boulot de dingue. J'essaie de contrôler tout ce que je peux contrôler. C'est-à-dire, on essaie de contrôler très, très activement les pays importants, comme les pays anglo-saxons, allemands, espagnols, de langue espagnole. Pour le reste du monde, c'est beaucoup plus difficile parce que moi, je n'ai aucun accès aux langues. Le chinois, ça doit être dur. Ouais, très difficile. Et souvent, les Asiatiques traduisent de l'anglais en plus. Ils ne traduisent pas depuis le français. Donc, c'est catastrophique. Ils sont tordus quand même, ces Asiatiques. Ah, on peut le dire. Hein. Obligé. Il faudrait quoi faire ? Retraduire dans l'autre sens pour voir si l'esprit a été préservé ? Il vaut mieux pas le faire. Non, mais souvent, oui, c'est vrai. Une traduction c'est traduire à partir du texte. C'est traduire à partir du texte initial. Donc, ça, il faut surveiller. On peut préciser que Bella Figura sera créée en janvier. C'est ça ? Oui, en janvier prochain, à Toulon. Le 11 janvier, au Théâtre Liberté de Toulon. Et après, il y aura une grande tournée, une reprise au Théâtre du Rond-Point à l'automne 2017 avec Emmanuel Devos, Camille Japy. Michel Escaut, Louis Daudelan de Langsin et Josiane Stoléru. Et pour finir, un petit conseil culture. Je commence par, on va dire, un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. On va commencer par celui-ci. Bah, si c'est pas payant, oui, c'est un cadeau. Oui, non, c'est que j'en ai deux. Je savais pas dans quel ordre les mettre. C'est mon petit conseil pour vous, Yasmina Reza. C'est Coquelicot d'Irak, une bande dessinée qui est à l'édition L'Association. Et on la doit à Brigitte Findakli et Lévi Strondheim. Alors, Brigitte Findakli, on la connaît moins que Lévi Strondheim. Pourtant, c'est une grande coloriste de bande dessinée. Et c'est l'histoire, Brigitte. Et la compagne de Lévi Strondheim, qui est un grand dessinateur de bande dessinée. T'as qu'à balancer leur vie privée. Mais je la balance parce que c'est important et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, Brigitte a grandi dans une famille franco-irakienne à Mossoul et elle raconte dans cet album son enfance avec beaucoup d'humour, sa terre natale. Et on parlait d'exilés, on parlait de vous aussi avec votre vision très pluriculturelle du monde. Et elle raconte l'Irak avant l'arrivée de Saddam Hussein, elle raconte son enfance. Alors, ça peut faire penser à l'Arabe du futur de Riyad Satouf, mais lui, c'était en Syrie. C'est vraiment très drôle, c'est très touchant. Donc, c'est mon conseil pour vous. Et pourquoi j'ai parlé de Lévi Strondheim ? C'est parce que non seulement c'est son compagnon, mais surtout, c'est très, très rare. C'est ton ex. Et aussi, et c'est très rare que Lévi Strondheim abandonne son zoomorphisme. Lévi Strondheim, quand il dessine, c'est toujours des petits animaux. Et là, pour Brigitte, par amour, il a dessiné des personnages. Et je termine juste avec une chose, c'est qu'il y a une phrase dans, l'émission est finie, là, dans Babylone qui a résonné. Yasmina Reza, il y a une phrase très très belle, c'est « Le langage ne traduit que l'empêchement de s'exprimer ». Et cette phrase-là m'a fait penser à un bouquin d'Alexis Génie, « Dans l'attente de toi », qui est une lettre d'amour à la femme aimée. Et c'est un écrivain qui est en quête de mots, qui trouve que le langage n'est pas suffisant pour raconter le corps de son amour. Et il fait appel ainsi à la peinture pour essayer de parler de la courbe. C'est quoi la courbe des fesses d'une femme, ses reins, la forme d'un sein, la douceur d'une peau, un avant-bras. Et faut que t'arrêtes, parce que moi je suis très sensible. Oui, alors en fait, on se voit chez Castorama. Et ça c'est un conseil. Et ça c'est un conseil culture, j'espère porte-bonheur, parce qu'Alexis Génie avait remporté le prix Goncourt en 2011 avec L'art français de la guerre. Voilà pourquoi je vous recommande Dans l'attente de toi, et je vous dis merde pour le Goncourt. C'est super. Yasmina Reza a évoqué tout à l'heure la voix de Bernard Villiers ce matin chez Augustin Trapenard. Le voici avec sa voix, mais cette fois-ci en disque. Oui. La voix d'après-midi. C'est beau ça. Pardon, mais là. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles. Tours abandonnées, plus de flamme orange dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Ah, vous voyez, c'est mytho. Même là, vous l'aimez, Bernard Lavilliers aussi. Oui, oui, moi je l'aime toujours. C'est bien, les mains d'or, en tout cas. Demain, nous recevrons Caroline Carlson et justement, nous parlerons du moment présent dans son jaillissement avec son nouveau spectacle. Elle reprend. Oh là là, vous avez bossé déjà. Ouais, on est attaqué. Vous bossez trop, faites attention, ça va se voir. Ouais. Ça va se voir. Daniel, des excuses à présenter. Mais bien sûr, alors, tout ce qui s'est passé. Désolé pour notre programmatiste. Quoi ? Triste, j'ai oublié un R. C'est beau. Programmatrice. Qui est un programmateur d'ailleurs. Non, Vanina. Oui. Ah, pardon. Vanina est un homme. Je vais jouer de la musique. Vanina, qui nous a, qui a appris durant l'émission que Cassius annulait sa participation à la bande originale, tout ça pour avoir été associé à, je cite, de la musique de merde. Jamais de la vie. Franchement, c'est toi. Vous exagérez. Désolé pour tous les restaurateurs et autres producteurs de lasagne qui ont fait faillite pile poil à 11h30 grâce à Alison. En même temps, c'est vrai que ce plat, c'est une belle arnaque. Enfin, désolé pour les gens joyeux qui nous écoutaient et qui, après cette émission largement dark, ne le sont plus joyeux. Heureusement, à suivre, Philippe Bertrand va nous parler de chômage rural. Eh ben, il est sur France Inter, les amis. Merci Daniel, merci Yasmina d'avoir merci trouvé infiniment. Le temps de venir à ce micro. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Ouais. Yasmina Reza signe Babylone chez Flammarion. C'est quand le concours c'est à quelle date? Je sais même pas d'ailleurs. Yasmina. C'est quelle période? Je sais rien du tout. C'est en novembre. C'est en novembre ouais. D'accord. Vers le 13. Ah bah, c'est un dimanche le 13, tu dis n'importe quoi. Philippe Bertrand pour ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Je vais travailler encore. Hey, il y a du boulot dans la ruralité, il faut arrêter Daniel. Ben oui. Non mais je corrige Daniel. Pardon. Non mais le corrigez pas, il adore ça, il va dans des endroits spéciaux pour ça. Et c'est là que j'ai rencontré Nagui. Et tu fermes des 1000 vaches. C'est ça. Donc une vache, c'est ça, d'accord. Ah, c'est une grande ferme. Salut les bonne amis. Émission, salut, Philippe. Salut, salut Philippe. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursé sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Quatrième épisode lotois des carnets de campagne. Et nous ouvrons avec un des pionniers de la décentralisation culturelle. Il s'appelle Olivier Desbordes et il fait le choix de fonder en 1981 un festival d'art lyrique à Saint-Céré. Depuis cette date, ce rendez-vous estival est le troisième plus important festival du genre en France. Puis viendra le festival de théâtre de Figeac que notre invité reprendra avec Michel.